gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors! Oh, my love. sera longue à devenir quelqu'un. Ouais, ouais, la nuit sera longue à devenir quelqu'un. Ouais, ouais, du bimbas, du bimbou, boudou, bimbam, boum, bam, du tout, berililan, ouais. Aïe, nous, minouille, désignouille. Il est quelle heure, Rosaire? Bum, boudou, boudou, minuit 13. Minuit 11! Bimbam, boubam, bimbam, bimbam, boudou, bimbam, hein? Ça va bien. Je suis sous la supervision du docteur Mabuse. Il m'a déjà abusé, bien sûr, de mon argent. Je cueillais mon argent comme un bon enfant, en pliant le montant. J'ai dans une si tu vas pas te casser, va te casser toi dans. Ah ouais. Ce n'est pas le goût que l'on recherche, mais l'effet. Lorsqu'un cinéaste réalise un travelling avant, il se fout de la sensation qui en tirera. Ce qu'il veut, c'est le résultat sur la surface écranique. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est? Ben, ça là, c'est... C'est des sonnettes. Vous savez, vous avez une maison, madame... Ben, moi, j'ai jamais eu ça, domicile fixe. Oh, je vis dans mon matelas. OK, sûr. Non, dedans. Dedans, comme ça, si les voitures me roulent dessus... Oui. Ben, je suis pas écrasé. Comme, ben, je crois que oui. Non. Je suis entre mon matelas, sous mon matelas. Donc, je sens absolument rien. Oh! On demandait à des spécialistes scientifiques, là, les dénaturés. Non, les stupéfiants. On demandait aux stupéfiants. Messieurs et mademoiselle. Mademoiselle de stupéfiante. Héroïne. Oh, my lady, héroïne. Oh, ma beauté, ma divine. Referme sur toi mes ailes. Non, referme sur moi tes ailes. Mon bel ange m'a tout à fait. Non, il faudrait faire une recherche. Mais c'est pas ce soir que ça se fera. Alors, les sonnettes. Merci, madame, de votre confidence. Là. On va prendre ça en note. On va appeler notre vrai négo. On a un négo ici ce soir. On fait depuis combien d'années? 7 ans et demi. Un négo de 7 ans et demi. Ah, mon Dieu. Il risque de s'en abandonner à 18 ans. Il était négo à 7 ans et demi. Il est un vrai, vrai colérique, cet imbécile. Il fera un jour de la justice et se prendra pour le véritable Elvis. Mais on s'imagine souvent que dans les domiciles, vous, madame, vous n'en avez pas, vous n'êtes pas fixé. Vous avez jamais été fixé, hein? On vous a présenté 3 maris dans votre vie. L'autre était pas assez beau. Saint-Exupéry a dit que l'invisible était essentiel à les yeux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que l'essentiel est invisible pour les yeux. Oh, pour. J'ai oublié le pour, moi, là. En fait, j'ai paraphrasé. Ouais, toute ta vie, t'as paraphrasé. Ça, c'est vrai. J'ai zigzagué. Mais au moins, je me suis frayé. Et me suis fait, bien sûr, lorsque je me regarde dans le miroir, mais je me trouve effrayant. Ah, qu'est-ce que c'est que bien donc? Combien de pauses dans mon existence? Et je m'en sais, devant je leur ai dit. Mes chères épouses, je vous marie pour votre beauté, votre intelligence et tout le reste. Ils ont-tu cherché tout le reste pendant 20 ans? Ah, mon Dieu, parce que moi, j'ai eu 3 femmes. Je suis minable. Minable. Je suis minable, carrément minable. Je suis formidable, mais un vrai minable. Et puis donc, 3 femmes, j'avais le choix. Ah, mon Dieu. Moi, j'ai marié 3. Là. Une, j'étais chrétien. L'autre, j'étais mes juments me l'ont dit, « Marie-toi pas, toi, tu te mets dans le trouble. » Et troisièmement, je me suis marié sous les étoiles de Précoce. Vous avez jamais connu ça? C'est une religion qui s'adonne à des recherches scientifiques. Où allons-nous? Que cherchons-nous? Que voulions-nous? Pourquoi quitterions-nous cette terre? Ce soir, sans jamais avoir réfléchi à notre propre fin, notre finalité. On n'est pas ici invitant Popperman. Tout le monde, hein, oui. Oh, moi, il y a 3 semaines, là, oh, je m'en vais en voyage avec Gertrude. Hey, wow, essaie de te rendre à demain matin, là. OK, c'est déjà très, très loin. Demain matin, Montréal m'attend. Demain matin, Montréal m'attend. Cherchez-moi plus. Allez-moi louant, parce que ce soir, je sacre mon cœur. De l'île-moi loup, de l'île-moi loup. Et cette nuit, je ne veux plus voir les prostituées. Qu'est-ce que c'est que c'est? Allez-y, monsieur, exprimez-vous. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est? C'est quoi? C'est des sonnettes. Ah, c'est pas un serpent à sonnette, là. C'est une maison, OK? Imaginez-vous une maison. Alors, avant de rentrer, moi, là, je sonne sur la sonnette. Je sais que c'est redondant. C'est comme reculer en arrière, là, mais je presse sur la pitoune. Mais là, une belle pitoune. Il y en a qui sont en ivoire, d'autres en plastique, en bois, mais en plastique. Quel beau plastique! Parce qu'en hiver, vous ne connaissez pas ça, vous, le gel. Il y a des quartiers à Québec où ça gèle 365 jours par année. Colabit! Et... Atomine. Comment t'appelles ça? Speed metal. Western. Hey, du Western. Une pastille de Western, tout est là. Oh mon amour, je mangerai ton foin, je boirai ton eau, je serai ton étalon pour ce soir sur tes talons, je te suivrai, ton pauvre yob avec des cornes. C'est un cheval, non, un diabolique. Oh mon... Qu'est-ce que c'est? Les sonnettes font-elles le même son partout à Québec? Allons voir. À Sellerie, lorsque vous prenez votre doigt et vous l'appliquez sur la rondelle, vous entendrez « Grelin, grelin! » À Sainte-Foy, « Deling, deling, dolong! » À Vanier, « Bzzz! » À Limoilou, et à Saint-Roch. Alors, trouvez votre sonnette. Il faut la mériter. Et comme disait le serpent, qu'est-ce qu'il disait le serpent? Mon serpent à moi! Ben, j'en ai déjà eu un, moi. Je l'ai mis dans mon aquarium. Il n'y avait pas d'eau. Pas moyen d'avoir de l'eau là-dedans, moi, là. Alors, j'ai pris de mon récipient, là, mon godet. Mon godet, c'est une chiotte dans ma chiotte, parce que quelques minutes de mon domicile, j'avais une chiotte, pas moyen d'avoir des toilettes à la maison. En hiver, c'était haut. Je faisais du patin dans ma bol, moi. C'était merveilleux. C'est le mois de ma vie, c'est le mois le plus beau. Je patinais là-dessus. Oui, des fois, c'est pfiou, je prenais des petits motons. Mais je tombais jamais. Non, je me tenais après la cuvette. Putain que la cuvette était propre. C'est moi avec la langue. Nettoyer, c'est mon nez. Bienvenue. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, c'est monsieur le juge. En fait, je voudrais... Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la réalité qu'on vient vous dire. Là. C'est sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le Phénix Leclerc de tous ces états. Non, c'est le Phénix Leclerc. Mais non, pas Phénix Leclerc, ça n'existe pas. Ni Phénix, ni la... Ou lit, enlève Leclerc. Il fait noir si j'enlève Leclerc. Ben oui, Leclerc. C'est pas clair, ça, là. Ça n'a jamais été clair, toi, ton émission. On n'a jamais rien saisi de trop spirituel. On veut rien savoir. On veut rien savoir du spirituel. Pourquoi? Parce que c'est rien de réfléchir, c'est tout à fait extravagant, c'est en haut dans le firmament, ça mijote. Nous, on n'aime pas ça quand ça mijote en haut, on veut que ça mijote en bas. On n'a pas peur de ça, là. Il faut comprendre pas, il faut croire à quoi, moi, là? Hein? Mais non. Je vous parlais tantôt là, de la mort. Là. Les gens ils réfléchissent jamais à ça. À 3-4 secondes avant la fin. Oh non! J'ai oublié de réfléchir. Fini. Ils viennent te ramasser. Te rentrent dans un plastique. Ferme la fermeture éclair. Si t'as signé pour l'autopsie, ils vont t'ouvrir. Oh non, il est pas mort! Ferme-moi ça! Il est bon pour encore 20 ans. Ah, mon Dieu, là, il est là. J'avais 20 ans pour les tripes de ma femme, 20 ans d'amour. Elle a raccommodé mon cœur. Ben oui, parce qu'ils finissent pas leur travail, eux autres. Là. Ils sont payés pour défaire, mais pas pour refaire. Fait qu'il faut que tu sois sûr de mourir, toi, là, là. Prépare-toi, puis surtout quand t'es sûr et certain que c'est fini, laisse un œil ouvert, ta pupille dilatée. Comme ça, on va voir qu'il n'y a plus rien, là. L'affaire du miroir, là, en 1920, là, 1930, 1940, même en 1954, là, on plaçait un miroir devant le visage de la personne, puis s'il n'y avait pas de buée, on se disait, pas de buée, pas de buée. Eh, monsieur, oh oui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, pas de buée, oui, pas de buée. Et puis, ben, s'il n'y a aucune évacuation au niveau de la bouche, il pourrait peut-être en avoir au niveau du bas, mais non. Quand la douche voit tout bas. Hein? Quand la débouche voit tout bas. Quand la débouche voit tout bas. Quand la débouche voit tout bas. Quand la débouche voit tout bas. Bienvenue à la douce réalité. À l'histoire finement improvisée. Avec votre magicien. Être en marge, c'est très beau, mais être un magicien, c'est de s'exclure à ce que les gens, en général, veulent avoir de magicien. Exemple. Bonsoir, bienvenue à mon grand spectacle. Le magicien passe quelquefois. Devant vous, madame, mademoiselle, je ne me ferai pas disparaître. Mais là, on a payé pour... Non, non, moi, je suis un anti-magicien, là. Alors voilà, 1, 2, 3. C'est pas un tour de magie, on le voit encore. Mais c'est ça, je me fais pas disparaître. Mais. Deuxième tour, je ne vous ferai pas un jeu de cartes tiré en l'air et sortir le 2 de pique. Oui, je vais vous lancer le jeu de cartes, ce sera terminé. Lance le jeu de cartes. C'est pas juste ça. Pendant 2h30, vous allez vous exclamer, on s'est fait avoir. Ah, oh, comme, hey, attendez, ça fait 3 fois que je me fais avoir, moi, en 2 ans. J'ai voté 3 fois, je me suis fait avoir. La dernière fois, j'ai dit, moi, le gars, je vote pour mon Québec. Et puis? Je me suis fait avoir, on n'a pas de Québec encore. Ben voyons donc. Non, non, on n'a pas de Québec. On n'aura jamais de Québec. Parce qu'il y a des gens qui ne collaborent pas. En laboratoire, on a formé des cerveaux pour propager la bonne nouvelle. Le Québec est là, il vous aime. Et bien là, ils vous le rendront au centuple. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons le chemin narratif et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier Rénald le néant gagné. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Il me semble que c'est des répétitions. Ouais, moi, je dis que c'est répétitif. Ben là, s'il y a des répétitions, à mon avis... Là, c'est. Des répétitions. Là, on va aller à la générale de Gaulle. Mon Dieu! On n'est pas... Non, je veux pas me vanter, là, mais pour une bonne émission ce soir, on est bien gaulés, là. Oh! On est avec l'incroyable chanteuse Marie-Claire Buzy. Et son invité. Son invité, c'est qui? Faut rester des nôtres. Il faut rester des nôtres. Vous allez voir, c'est contagieux. Aujourd'hui, le vendredi 15 novembre 2013, les errances rénadiennes présentent pour vous plusieurs routes pour nous et entre nous. Et on dirait que j'ai brouté dans la route. J'ai brouté dans la route, ma chérie. Laissez-nous tranquille, vous là. On veut pas vous acheter des produits en plastique, là. Non, doublement emballé. Je peux même mettre ça dans un sac puis dans une boîte, mais je suis pas emballé. Là. Déballez-moi ça, je jeter ça directement dans les poubelles. Partez et nous allons les prendre par la suite. Hein? On vous l'a déjà fait? Ah, oh, c'est un vieux truc. Bon, c'est comme mon magicien qui va. Regarde-moi là. Ouais. Hein? Ah oui, je continue. Ben oui. Depuis quand je m'arrête en plein milieu de l'émission, moi, là? T'as pas écouté ça depuis le début, toi, là. T'as rien compris, t'as rien saisi, là. J'aime ça, moi, avoir des sous-produits, moi. Eh, monsieur. Les sous-produits, ben oui, tu t'imagines que c'est terminé, puis tu... Oh non! Il reste encore quelques heures, quelques mois, quelques années avant que tout soit prêt. Laissons sur la boussole les valises trop lourdes, les problèmes. Laissons sur la boussole. T'as l'air de déboussoler, toi. Tu ferais un beau politicien. Hein, je vous le dis, je vous le jure, je vous l'ai promis, monsieur. Après, hein, j'ai promis quoi, moi? Hein, qui suis-je? Où vais-je? Casper, je cours. Laissons sur la volée. La volée, ben, on va te la voler. Il y a de la violence, oui. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Bon, l'inconscient vient de s'arrêter, là. Comme je le dis souvent, j'ai l'inconscient trop conscient. Les problèmes liés au boulot et aussi boulot, confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Si vous me regardez sur la vidéo, oui, je sais, j'ai la main au cœur, j'ai un point. Peut-être même une crise cardiaque, je ne sais pas, là. Je vois des étoiles. Faites-vous en pas, je ne vois pas les étoiles des États-Unis. Non, jamais. Oh. Combien d'étoiles en Angleterre? Mais il y a la reine qui me fait voir firmament. Oui, des étoiles au firmament, OK. Il y a la maman de la reine. Elle n'est pas mortelle. Ben, je ne crois pas, là. On va aller voir. Pouvez-vous regarder, madame? On a une journaliste ici, là, qui roupille dans le coin. On te paye. Elle va voir si elle est morte. Est-elle morte? C'est. La reine, la mère, la reine mère, reine, la reine. Reine Marlowe, et puis elle est encore vivante, elle. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Marie-Claire Buzy. Elle commence les études de médecine, puis de lettres. Elle apprend les claquettes et enseigne même cette discipline qui lui vaudra d'être engagée à l'incroyable Rock Horror Picture Show. Et puis en 80, nous l'entendrons chanter des grands succès. Et puis Buzy est l'auteur de 8 des 13 chansons de l'album Voix lactée de Sylvie Maréchal en 2003. Octobre 2011, on l'entend pas, mais il y a des enfants qui chantent dans la prairie, il y a des moutons qui se laissent tricoter la laine sur le dos. Non, il y a des chanteurs et des chanteuses qui reprennent des chansons de Buzy en octobre 2011. 15 artistes rock et indépendants se rapproprient 15 titres de la chanteuse. En juillet 2013, Erance Reynolds-John s'est présentée pour rencontrer cet artiste. Hey, on a travaillé fort, là. Il y a mon attaché de presse qui s'est détaché de moi longtemps pour me dire... On pourra pas l'avoir. C'est un gros nom, ça. Ça prend des moyens. Ça prend l'émission. Eh bien, moi, je trouve sincèrement que c'est Coiriel. C'est Coiriel. Laquelle? C'est Coiriel. C'est Coiriel. C'est KRL. Oh, la radio à Québec, oui. La première radio communautaire francophone au monde peut prendre rendez-vous. Se dirige à Paris, atterrir sur la rue des Abbesses, près de Pigalle, dans ce petit café exceptionnel où ils font des frites et des moules, et de la bière, du vin, de l'alcool, la bonne offre, un bon emplacement incroyable. Pour rencontrer Buzy. 3 ans de travail pour cet artiste, et nous l'avons eu. En juillet 2013, Erance Reynolds-John se trouvait là à Paris pour rencontrer cet artiste sublime. Un voyage chargé. Oui, Gaétan. Oui. On va. Gaétan, tu le vois pas mal. Gaétan? Oui. C'est Renal. Oui. Bon. Peux-tu nous partir la piste 3? Oui. T'as un petit peu, là. Piste 3, chapelet 2, verset 3. Oui. OK. Ça commence comme suit. Allez entendre la musicalité sonore de tout suspect étrange. Les ravages du temps se cachent ici et là. N'examine pas ce puma. Il risque de se trouver pendant toute la journée en pyjama. Et modo. Non, attention. Ça frôle l'œuvre d'Henri Michaud qui disait... Les cornichons chauds ne sont pas toujours dans les pots. Comme Harold Lloyd accroché à son horloge. Comme Harold Lloyd, on craint le temps qui passe. Tic-tac dramatique, tac ça nous a, tac ça nous arrière boutique. Tac chaotique, tac ça nous détraque, rien d'humoristique. Comme Harold Lloyd, on est aux premières loges. Comme Harold Lloyd, suspendu dans l'espace. Tic-tac pathétique, tac coup de matraque, ça devient acrobatique. Tac frénétique, tac muscle cardiaque, on se cosmétique. Approchez messieurs dames, n'ayez pas peur. C'est toujours la grande braderie dans le magasin de souvenirs. Un superbe soir d'été, un amour fou, frémissant. Et tout ça pour un prix qui fait rire. Romantique. Et c'est toujours la grande braderie, on en profite, on fait des affaires. Tu vas vouloir de ces images de campagne avec des cousines dedans. Et cette portée de petits chiens comme sur un calendrier des postes. Allez, allez, on en profite, on n'hésite pas, c'est le moment. Cette mer bleue d'azur, cette caresse qui prend son temps. T'en auras pas pour tout le monde, hein, je vois bien. Allez, allez, tout va disparaître. Comme Harold Lloyd, accroché à son horloge. Comme Lloyd, on craint le temps qui passe. Tic, tac, dramatique, tac, ça nous a, tac, ça nous arrière au boutique. Tac, chaotique, tac, ça nous détraque, rien d'humoristique. Comme Harold Lloyd. Harold Lloyd. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à la chanson? Qu'est-ce qui m'amène à la chanson? Ouais, qu'est-ce qui t'a amené à la chanson? Bah déjà le fait d'en aimer. Ah, tu vois. Tu crois pas que c'est un peu loin? Oh non, ça capte tout. D'accord. C'est un mode... C'est mon côté coach. Captation, oui. Non, c'est merveilleux, ça allait voir. Je contrôle tout. Non, non, tu vas voir, c'est tout aimé. Bah ce qui m'amène à la chanson, c'est déjà c'est d'en aimer. Ça c'est la première chose, de rêver avec, pendant des après-midi pluvieuses, allongé sur le sol, voilà, avec quand j'étais enfant, avec des bandes dessinées, aujourd'hui avec des bouquins, d'être accompagné par ça, et d'avoir le souhait d'accompagner aussi. C'est pour ça que c'est super les enregistrements, c'est parce que ça traverse le temps, que ça voyage beaucoup dans le monde. Ça raconte peut-être une tranche de vie. Lorsque l'on écoute une chanson, ça nous apaise et plus tard on la réécoute. Ah oui, c'est vrai, j'ai vécu ça. Et... Oui, il y a ça. Et puis il y a le fait que ça relie beaucoup des gens solitaires aussi. C'est-à-dire que c'est une. Ma façon d'aimer la musique, c'est très très intime, c'est très. Comment dire, incrusté dans la vie émotionnelle quotidienne. Et pas forcément l'usage festif, tu vois, le mode d'emploi festif de la musique. Plus introverti. Quelque chose de très lune en scorpion, quoi. Oh, oui, c'est vrai, ben oui. Ah oui, t'es très introverti, oui, je connais. Je sais ton histoire. Oui. Ah bon? Oh oui, oui, fais-toi ça, on a dressé le portrait du personnage. Je lui ai expliqué comment on s'était rencontrés. Ah oui, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a amené, oui, comme ça, à la musique? La musique? Ben, peut-être déjà parce que... Mais est-ce que tu en joues? Oui, tu joues du piano. Ouais, je joue du piano. Ouais. Et puis des tas de petits gadgets, voilà, auto-harp, omnicord... Auto-harp? Ouais, c'est chiant. Okay. J'adore. C'est l'ordinateur, ah, c'est quoi, j'adore. C'est l'ordi? Non, mais l'auto-harp. C'est le truc qu'utilisait Björk dans ses concerts. Ah oui, oui, oui, oui. Oui, ou Pete Gervais ou d'autres. Pete Gervais, en fait. Ah ouais, c'est merveilleux. C'est vraiment des prêcheurs américains du début du XXe siècle, parce qu'on ne pouvait pas aller prêcher la bonne parole dans le Grand Ouest avec des orgues, tu vois, on ne pouvait pas emmener des orgues partout. Donc on emmenait cette espèce de petite lyre portative avec des cordes de métal. Brel les avait pas utilisés dans les années 60. Qui ça? Brel, Jacques Brel. Ah, peut-être. Je sais, je connais mal les instrumentations exactes. Dans des les morceaux. Marquises, là, il n'y a pas ce genre peut-être. De... Peut-être. Ok. En tout cas, voilà, c'est un son assez spécifique qui fait un peu penser au cymbalum aussi en Europe de l'Est, tu vois, qui a cette résonance mystérieuse. Mais là, tu arrives d'un long voyage ou quoi? Avec le B, là, ça veut dire quoi? On était en Chine, en Corée et au Japon. On a joué en Chine c'est et en Corée. C'est pas la bestiole. La bestiole, c'est lui. Ouais. Ils sont au Canada. Ok, oui. Ils sont en Chine. Ok, vous êtes en Chine. Mais c'est qui on? On, c'est Pepper Moon. C'est un groupe avec une jeune chanteuse, Iris. Oui. Moi qui compose les chansons et puis des musiciens additionnels selon les besoins. Ok. Et comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous avez... Avec Iris, ça met un concert de Marie-Claire à la Boule Noire en 2005. Oui, parce que un ami d'enfance de MCB ici présente, Christophe Carré, hein, avec un nom très géométrique comme ça. C'est mieux que Maria. C'est mieux que Maria, on est bien d'accord. De toute façon, elle est fichue comme un carré. Alors... Maria? Mais bon, non, je plaisante. Oh, vous en avez entendu raison. Non, je plaisante. Okay. C'est vraiment juste pour dire. Parce que... Mais moi, je plaisante pas, j'y crois. Ah, bon, mais enfin, bon, je l'ai croisée, elle m'a plongé la tête dans sa poitrine, c'est vrai. Maria? Oui. Ok, oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. C'était, ah, il n'y a rien dans sa poitrine? Non, mais c'était pas très carré, quoi. Voilà, c'est tout. Non. Alors, non. Pour revenir quand c'était même au sujet du jour. Oui. Est-ce que c'est refait? On s'est rencontré à la Boule Noire. Est-ce que c'est refait, Maria Carré? Est-ce que c'est refait? Quand elle t'a plongé, est-ce que tu sentais que c'était refait? Je ne suis pas spécialiste. Ok, bon, allons-y. Non, on s'est rencontré à la Boule Noire de Bussy. Voilà, l'ami d'enfance de Marie Claire m'a dit: tiens, bah, je te présente Iris, elle veut être chanteuse. Je dis: bah, super, enfin, tu vois, beaucoup de jeunes filles veulent être chanteuses. Après, il faut écouter, faut voir la personnalité. Pour personne. Ouais, je sais pas. Enfin, il y a plein de gens que je trouve intéressants et qui n'ont pas l'air de percer pour le grand public. Alors, c'est pas ça qui m'intéresse. Non, mais percer à travers même les sillons cybernétiques, là, à travers la toile. Mais c'était la grande époque de MySpace. Et on le regrette un peu parce que c'était bien MySpace. On a rencontré énormément de gens à ce moment-là. Mmh. C'était plus facile de faire un premier pas s'il vous plaît, vers les gens susceptibles d'aimer ta musique. Ok. Et puis c'est comme ça que vous êtes... Moi, je voudrais bien une blanche avec une petite rondelle de citron. Merci. Puis je vais prendre la même chose. Bien sûr. Merci. Oui, aujourd'hui c'est un petit peu moins artist friendly, pardon pour l'anglicisme. L'époque de MySpace a permis énormément de rencontres. Il y a plein de gens avec qui je travaille aujourd'hui, même Elsa Kopp, tu vois, que j'ai retrouvé, j'avais rencontré avant, mais je l'ai retrouvé avec MySpace. Voilà, disons qu'il y a eu à ce moment-là une parenthèse de liberté qui peut-être est d'une certaine manière comparable à l'émergence des radios libres. Oui. Et CKRL, je vais résoudre la même chose, CKRL est la première radio francophone communautaire libre au monde. Super. Depuis quelle année? 40 ans. Ah, voilà. Alors les Français, les Belges, les Suisses venaient chez nous à Québec, à CKRL, voir comment on faisait notre radio, pour plus tard, 5 années plus tard, prendre les magnétos que l'on avait, les mixeurs que l'on avait, tous les lecteurs analogiques pour faire des radios comme Carbone 14, etc. Super. Donc ça vient de chez nous. Bravo. Voilà. Et c'est là que vous allez diffuser. Ouais, j'en suis ravi. Je t'ai amené des albums sur le conseil de Marie-Claire. Oui, c'est très bien. Ça. C'est bien de suivre les conseils. Ben oui. Voilà. C'est toujours un petit peu cool. Ben oui, la sœurette qui parle. Oui. Et puis oui, c'est sur MySpace parce qu'aujourd'hui ça n'existe presque plus. Non, il y a le New MySpace là, qui a été racheté par Justin Timberlake et quelques amis. Il a essayé de le relancer, mais oui, c'est vrai. Et ce qui est bien par rapport à Facebook, c'est que les photos pètent bien parce que c'est vraiment plein pot, comme ça, plein écran. Donc c'est pas des timbres-poste ou des petites, choses. Franchement, ça, au niveau design, ça a de la gueule. Mais est-ce que ça va refonctionner, c'est ça l'histoire? C'est impossible de savoir à l'heure qu'il est. Il faut tout refaire. Ils n'ont pas utilisé MySpace. Tu peux recycler des choses, mais tu ne peux pas refaire la même chose que le vieux MySpace, parce que la mise en page c'est très con différente. Il était bien, mon MySpace. Ouais, ils auraient pu. Il était bien, mon MySpace. Non, mais ils auraient pu. Je me demande si c'est pas toi qui l'as fait, d'ailleurs. Ah, peut-être. Ils auraient pu faire une fonction de mise à jour. Vous verrez. Quand vous verrez la page telle qu'elle est maintenant, on ne peut pas juste transvaser. Ok. Voilà. Okay. Merci. Il y a plein de choses qui sont dégagées pour la clarté, pour la lisibilité. Mais en termes de purement artistique, de création, c'est plus intéressant aujourd'hui parce qu'il y a vraiment un accent très fort mis sur des images, ce qui fait que si on fait des belles images, c'est si bien, on a le ça, sens de goûter. Ça, bien sûr, ben c'est... faut que je vous raconte. Une histoire vraie. Presque vraie. Mais avant tout, je dois vous divulguer ces phrases de mon commanditaire. Il n'y a pas de commanditaire. C'est vrai, il n'y a personne qui veut commanditaire. S'il vous plaît, si vous êtes un organisme, si vous êtes une entreprise, une belle, une petite, une grosse, une moyenne, si vous, je sais pas, si vous, je sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, le petit oiseau, c'est l'oiseau, c'est un voli, s'il vous plaît. Personne ne veut miser là-dessus, voyons donc, toi. Baroque, étrange, farfelu. Non, c'est farfadet. Farfadet, farfelu. Eh, hey, monsieur, on vous présente ce soir le farfadet, farfelu. Tu dois, tout le doigt, range ton doigt, pas celui-là. C'est un doigt étrange, mais pas étrange, mais c'est un doigt vulgaire. Et la vulgarité ici n'a pas sa place. Et depuis quand? Depuis maintenant, depuis le temps où je viens de le dire. Es-tu fâché? Toujours fâché. Toujours fâché. Moi, je suis né fâché. Oui. Ben moi, pas vraiment. On veut rien savoir. Non, moi, je suis né en pleurant. En fait, je pleurais pas au début, hein. Là, quand le médecin m'a bien vu, m'a regardé, là, il m'a dit, il pleure pas! On va le faire pleurer. Fait que, lui, il dit, petite tape sur les fesses. Moi, je pleurais pas, mais voyons donc, hein, j'étais un gars, pas sûr m'a pleuré. Voilà, là. Et là, je te venais rouge. Mais là, il a pris le bâton de baseball, là, ses fesses, pom! Là, ça faisait mal, là, je pleurais pas. Là, il dit, hey, c'est l'histoire d'un gars. Ah, je vais pleurer. Moi, j'ai toujours été humaniste. Frappe-moi pas, mais raconte-moi ta vie. Oh, ma vie. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Et je voulais vous raconter l'histoire. Réelle. Mercredi. Donc, avant-hier. Mon poisson rouge voulait aller faire ses besoins à l'extérieur. Donc, je me prépare à le sortir. Hein, je l'amène dehors. Je prends sa laisse. Le clip qui va sous son collier ne fonctionne pas. Il gigote. Arrête de gigoter! Tu sais comment c'est les poissons rouges quand ça veut sortir, hein? Là, je veux me cramponner à lui. Il me glisse des mains puis il s'en va. Je lui dis, hey, ça n'a pas de bon sens, toi, là! Il a une vision décalée, hein? Pardon, allô, monsieur? Il a une vision décalée, hein? Une vision décalée, mon poisson? Mon histoire? Mon émission? Rénal Gagné? Errance rénaldienne? C'est KRL? En tout cas, mon poisson, je le vois partir! Là, j'ai payé ça 450$, j'ai fait opérer 250$, j'ai fait la lobotomie 150$! Il n'y a plus rien, là. Il fonctionne comme un... on dirait pas qui. On peut pas nommer de nom. Un nom. Non, on peut pas. Oh. Il fonctionnait comme ça, là. Moi, je l'aime, mon poisson rouge. Il part. Moi, je le vois. Il était au fond, là-bas. Dans le noir. Attends. Attends, mon poisson rouge. C'est le moment d'émotion. On demanderait à Gertrude, à Claudette, à Céline, à Élise et Annie de quitter, de fermer le... Ferme la Fabien, s'il vous plaît. Ferme la. Je t'offrirai des pâches, hein, des perles de pluie. Mon poisson rouge, il est là-bas, il frétille. Hey, viens, il voulait pas. Là. Il passe devant moi, j'essaie de le reprendre, mais c'est gluant cette affaire-là, là. C'est dégueulasse. La queue, monsieur. Je le regarde. Je me mets dans la peau. De poisson noir, voulant collaborer, affrayé avec elle dans un bocal heureux, et je lui envoie un mot des plus érotiques. vision décalée, hein? Mon poisson rouge n'a pas une vision décalée. Toi, moi, décalé, tu vas voir, tu vas aller à 350 degrés en arrière. Tu vas faire comme je l'ai dit il y a 3 semaines, exercice. Ah! On va te tourner ta tête. Ah! Mais c'est pas ça, le poisson rouge, je faisais le poisson noir. Il a une vision. Hey, toi, me lâche-moi le décalage. Ça. Sors-moi ça, Gaétan. Sors-moi ça. Il me désespère. C'est un critique, c'est un journaliste. C'est un journaliste. T'as-tu une formation académique, toi? Comment? Comment? Université. Lava-là-bas, toi. Pas sérieux, cette école-là. Pas d'école, c'est une université. OK, l'université, pas... Il est en train de dire, cet imbécile-là, qu'une université, c'est pas une école. C'est fort, là. Il est pas aussi fort qu'un poisson rouge qui était là-bas, dans le champ, entre les deux maisons, puis le gros chien était là, une espèce de gros chien, là. C'était quoi? C'était un lévrier? Un levier. J'espère que la chantepleur ne chantera pas, sinon mon petit poisson rouge va rentrer dans le chantepleur. Parce qu'un poisson rouge, ça aime bien les chantepleurs. Moi, je fais jouer du Michel Louvain, du Michel Richard. Il aime ça. Oh, il tourne. Il fait. Oh, arrête, il m'excite. Voilà. Je l'aime. Excité dans le sens de me voir, là. Pas érotique. Gainsbourg et son Gainsbourg ont pris le fil beau. Là-bas par le bleu, on voit passer la cour. Et la traversée dura toute une année. Voilà les maléfiques jusqu'en 70. Comme le mentionnait Jim Morrison, le chanteur du début de l'émission, Ah, voici mon Jim. C'est pas le groupe Air, c'est Air canadienne. C'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Cette semaine, et ce jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe visage au pluriel. J'envoie des visages. Des visages. Hey, tant qu'à voir un visage, regardez-moi, faites pas semblant de... Hein, soyez pas des hypocrites. Il y en a des hypocrites dans notre société. Hein, Gaétan? Je connais pas ça. Hey, arrête-moi ça, toi, là. Tu trompes ton mari à volonté. Toi, tu te prends... Tu t'imagines dans un buffet, là. Un buffet? À volonté. Ah ouais, on va le tromper. Ah ouais, on va le tromper. Ah ouais, c'est un colon. On va le tromper. Puis il voit pas que là... Il sait, mais il veut pas voir. Il a acheté pour sa fête un édredon tout rond qui bat la chamade. Là, il dit, hey, regarde, tu vas pouvoir le nourrir, tu vas l'intéresser, puis sans lui, ben t'es rien. Fait que si tu l'oublies, ben il va mourir. Ben c'est un édredon. Ben c'est un édredon, mais pas normal. Comme toi et ma femme, t'es pas normal. Je comprends pas pourquoi tu me laisses tranquillement comme ça. Tu t'écoules, tu coules vers l'infiniment démentiel. Le ciel, un jour, va t'envoyer des sécrétions. Ces sécrétions-là, ma petite, là, ça va te tomber sur la tête. Mais plus ça va te tomber sur la tête, plus la tête va te brûler. Mais plus la tête va te brûler, plus tu vas te sentir coupable d'avoir omis aussi fortement ton mari que lui, pendant toute sa vie de minable, a cru à ton amour profond. Mais elle coule pas. Mais il coule pas. Mais toi, tu coules. When I can't get in, Danny knows where I stand. He'll open up. sont vraiment mises en valeur, vraiment mises en avant d'une manière très hollywoodienne, quoi. Mais toi, lorsque l'on t'approche pour poursuivre une chanteuse ou un groupe, ou est-ce que tu amènes l'écriture ou si tu amènes la musique ou tu amènes des idées ou Bon, j'amène ce qu'il est possible d'amener. C'est-à-dire? Je reçois aussi. Oui. Parce qu'à chaque fois que je fais un disque, par exemple, tu vois, regarde, j'ai fait un album d'une jeune femme qui s'appelle Erika Boettner, qui est une auteure-compositeur du Connecticut, c'est anglophone. Donc, elle écrit ses chansons, elle avait a priori pas spécialement besoin de moi à ce niveau-là, pas du tout même. Donc simplement j'ai trouvé ça tellement beau quand elle est venue à la maison et qu'elle a joué Love and Water, que j'ai appuyé sur le bouton on et je me suis dit faisons quelque chose. Je ne savais pas trop quoi, j'avais envie de lui épargner peut-être de passer par 1000 étapes, tu vois, et de dire bon, on va enregistrer proprement, on va essayer. Puis voilà. Et donc, on a fait. Comme il te connaît pas, comme vous ne connaissez pas, Pierre, c'est une hydre à plusieurs têtes, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc, il a son parcours de lui, auteur-compositeur, en tant que Pierre Fa, son propre album. F-A-T ? F-A-A. Non, 2A. F-A-A, ok. F-A-A, ça c'est Pierre Fa, c'est lui en tant qu'artiste, en tant que chanteur, auteur-compositeur. Tu es né à Paris ? À Rouen. Ok. Après, mais il a fait un groupe hasard, qui s'appelle Pepper Moon, avec cette jeune femme qui chante, mais il est aussi auteur et compositeur, mais c'est cette jeune femme qui chante. Ok. Non, on suit. Oui. Ensuite, si tu veux, il produit d'autres jeunes femmes en tant que producteur. D'autre part, il est aussi graphiste. Ok. Et il a fait, pour moi, deux pochettes. La pochette de Border Love et la pochette de L'important n'est pas être important, qui est une compilation de 40 titres que j'ai sorti. Alors, donc, sans doute qu'aujourd'hui, tu es extrêmement épuisé. Il est totalement épuisé. Oui, et puis, en plus, il adore l'astrologie. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, effectivement. Non, on fait plein de choses, c'est vrai, on s'occupe. Mais tu fais de tout? De tout, non. Par exemple, je ne sais pas du tout nager. Ok, mais ça, c'est déjà moins important au niveau artistique. Nager, danser, si ça pourrait. Ah, danser, tu peux prendre des cours. Oh là là, tous les gens qui m'ont dit ça. Non, mais vous êtes là pour les cours de claquettes. Oh, excusez-moi. Non, mais c'est quand même. Voilà. Et... À mon ami, on n'est pas rendu là. Ah oui, la souplesse n'est pas. Pour reprendre l'expression. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Ça, j'ai fait des chansons avec cette rendu. Jeune femme. On n'est pas rendu, oui. Voilà. Et puis j'avais fait pratiquement tout l'album de ce jeune homme aussi. Bon. Machine à rêver, oui. Je sais ça, pas. C'est, chez nous, on appelle ça. Non, je sais très bien ce que vous vouliez présenter avec ce ventre-là. Ce qu'il voulait. J'aime ça. Non, mais nous. Je déteste. Ok, oui. mais ça, tu veux recréer l'homme enceinte. C'est lui, c'est pas moi. Non, je sais. Là, j'étais vraiment tellement pas d'accord. Ok, mais ça m'embarrasse de le voir. Ok, mais chez nous, on peut appeler ça avec humour un ventre de bière. Ah oui, mais c'est ça. Des bédaines de bière, des bédaines. Mais oui, mais je lui ai dit des tas de choses. J'ai exprimé toutes mes réserves par rapport à ça. Et bon, voilà, il n'y avait rien à faire. Ok, mais si on oublie... Ce que je vois, l'intérieur est plus intéressant. J'espère. OK. Non, mais toi, t'en es fier. Ah, il y a vraiment quelques chansons que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Harold Lloyd. Qu'est-ce que j'aime beaucoup? Je pense que Moi, je t'ai presque imposé cette interview, mais je... Non, c'est bien. C'est merveilleux. Moi, c'est comme ça des rencontres. Non, il y a des choses. Il a fait des arrangements avec Michel Curiot, qui est un monsieur qui avait fait pas mal de choses, Woolsey, Souchamp, tu sais. Voilà. Alors, il y a des beaux développements orchestraux. Par exemple, à la fin des Gens normaux, je trouve qu'il a fait un joli développement orchestral. Et toi, qu'est-ce que t'as fait là-dedans? Veuillez m'excuser, madame. S'il vous plaît. Alors, paroles et musique de presque tout, sauf deux musiques. Excuse-moi, j'ai pris un petit peu de sel. Vous pouvez partager des frites avec moi. Quoi, tu en as demandé? Ben oui, bien sûr, j'adore les frites. Ah oui, hein? J'adore les frites. J'en mange jamais. Oui, c'est ça, je t'ai jamais vu manger des frites. Qu'est-ce que c'est, cette histoire? C'est pas ça, je sais pas faire les frites chez moi. Mais comment tu peux arriver à faire tout ça dans la vie d'un... Non, c'est pas... C'est très simple. C'est un hyperactif. Mais là, oui, ça se voit. Par crise. C'est pas comme moi. Quoique. Non, par crise, parce que c'est pas... Je ne suis pas à fond tous les jours comme ça, à essayer de faire. Ce serait un peu vain, quoi. C'est pas ça. C'est qu'il y a des... composer des mélodies relativement vient relativement facilement. Après, écrire moins. Mais c'est un peu un truc constant, tu sais, comme ça, comme une rivière qui passe dans le jardin. Alors, j'y vais pas forcément tous les jours. Non, c'est une belle image. Non, rie pas, c'est une belle image. Bon. Mais voilà, je sais qu'elle est là, je peux avoir confiance. Je sais que si à un moment donné, il y a quelque chose à exprimer, je peux aller prendre un petit peu d'eau là-bas. Ah, c'est beau. Noël, non. Hey, écoute. J'adore. Oui, c'est beau, la métaphore est sublime. C'est assez simple, c'est très basique, voilà. C'est pas quelque chose de sophistiqué. C'est très poétique. Ah oui. Effectivement. Effectivement. Ouais. Mais as-tu des chansons en banque? Es-tu un créateur? Un créateur actif? Est-ce que tu es constamment dans l'écriture des mélodies et des paroles? Ou au contraire, tu emmagasines, à un moment donné, c'est un processus constant. Et puis de temps en temps, il y a des chansons qui ont l'air de vouloir se regrouper. Qui ont l'air de vouloir être chantés plutôt par une fille. Non, mais t'es gentil. J'en ai bouffé hier ici avec sais-tu qui? Jean-Pierre Coff. Ah oui? Oui. Et il les a bien aimés? Ben, en tout cas, il m'a donné sa vision de cette frite-là. Est délicieuse. Ah bon, d'accord. Oui. Alors, si elles ont été validées par J.P. Coff... Voilà. Il y en a pas mal bu. Donc, de l'eau minérale, c'est excellent. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, c'est ça. C'est vrai, hein? Alors, Jean-Pierre Coff... Non, c'est pas lui. Mais alors, tu dis toi aussi que c'est des frites vraiment... Ça va. OK, bon. Ça va? J'ai pas écrit un Michelin de la frite, mais ça va, ça se passe bien. On n'est pas en Belgique, mais presque. Moi, j'ai une grand-mère belge. Ah, voilà. Et puis, donc, non, tu connais rien, la frite? C'est tout. Non, ah, non, tu connais pas la frite? Elle, oui. Et cet été, tu prévois quoi? L'été 2013, pour toi, c'est... Je voudrais trouver un appartement très lumineux. Pour écrire, pour... Entre autres, puisque je travaille chez moi, donc c'est important, c'est mon aquarium. Tu es né à quel endroit? À Rouen. Rouen, effectivement, excuse-moi. Non, ça va. Mais tu es resté longtemps? C'est un accident, 9 ans. 9 ans? Personne dans ma famille n'est de Normandie, c'est un pur accident administratif. Mais est-ce que c'est un endroit où on peut créer, ou au contraire, il se passe rien? Je sais pas, parce que tu sais, je suis parti à 9 ans, alors je sais pas. J'ai l'impression que des gens intéressants ont été longtemps aspirés par Paris, qui était tellement proche. C'est à 1 heure de train, alors tu vois, ça vampirise. Mais peut-être que maintenant, les loyers sont tellement élevés à Paris qu'il peut y avoir des gens qui décident, des créateurs, qui décident de s'installer à Rouen ou à Tours, à Orléans, enfin des villes de proximité qui ont quand même un petit centre historique, qui ont un certain charme aussi. Il y a des beaux appartements à Rouen, près de la gare, et plus loin qu'en grande banlieue. Est-ce que tu y retournes? Pour des raisons familiales, oui, en ce moment, souvent. Mais tu ne trouves pas que c'est une ville qui pourrait t'inspirer, non? C'est vraiment... C'est mieux Paris, c'est mieux... Ce qui peut être... Tout... Non, moi, ce qui m'inspire d'abord, c'est le Japon, d'abord. Première chose. Pas vraiment plus que Rouen, si tu veux, parce que j'ai une attraction, une résonance, pour employer un busisme très forte avec n'importe quel brin d'herbe à Kyoto. Et même encore l'autre soir, on rentrait d'un concert avec une amie. On a été voir à la mutualité Hiromi, la pianiste japonaise Hiromi. C'était très éblouissant comme ça, comme un feu d'artifice. Et puis on traverse l'île de la Cité. Et puis j'entends une petite voix qui nous demande son chemin. Je dis bon, c'est une touriste. Et effectivement, je me retourne et c'était une touriste japonaise, forcément. Ça pouvait pas être autrement. Alors on l'a baladée un petit peu sur l'île Saint-Louis, tout ça, dans la nuit. Ça faisait très beau, pour une fois. Voilà. Donc je sais pas, c'est très naturel. Alors c'est bon, les racines, Rouen, tout ça. Mes racines, elles sont diluées, elles sont mélangées, elles sont pas, elles sont. J'ai pas été très enraciné là. Alors t'es un gars libre, prêt à déraciner pour aller un peu partout. T'es pas un gars vraiment placé à quelque part pour y rester. Pour l'instant, j'ai des choses à faire à Paris. Ok. Mais j'ai des dans des vies parallèles, j'ai des doubles éthériques à Pékin, à Kyoto, à Hong Kong. Ok. Alors, tu adores le côté. Moi aussi, j'ai un double éthérique. Oui, oui, c'est ça. Je ne sais pas où il est. Mais tu adores. J'aimerais retrouver mon Cosmic Brother. Ça viendra, ça viendra. He's on my back now. I was trembling like a bird with no feather on the skin. I had gasoline all over my wings. It looks like a storm with a solid body. It looked like a stone. It took off his shadow and put it on mine. I said, hey, it's too large for a little man. He said you need this big black shadow to fight against the night. It's a good shadow, but then covering and cold like ice. But it will protect you well. He said, what strange coat with 100 pocket full of books. I give you books, cause books are really good to fight against the night. Giant Jack shakes my hand. Giant Jack and little me. Giant Jack is on my back. Giant Jack is on my back. Giant Jack. Giant Jack. Giant Jack is on my back. Là-bas que cette celle déferle te rappelle que du bordel ambiant jaillira l'étincelle. La force motrice sous l'ombre libératrice est si de cette étincelle jaillit la vie. C'est sur là que le zèle se déchaîne. J'ai fait l'apologie des bouillons de culture. Culturellement parlant, c'est pas la vie qui me rassure, mais si je vous assure, à présent j'en suis sûr. Nous sommes le présent, nous sommes le futur. Le mélange sans appel. On est quoi nous? Le zèle. Son mélange, d'évacuer le flip du sens unique. La souffrance tellurique reste dynamique, jamais nordique. La souffrance tellurique vous fait sa rhétorique épique. J'en précipite tous les malentendus, je prends le respect, pourtant suis suspect de mes mains. Les mots jaillissent et éclaboussent la terre. L'avenir sera terre, allumons nos lanternes. La Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, l'algérien. Salut à toi, le tunisien. Salut à toi, Bangladesh. Salut à toi, peuple grec. Salut à toi, petit indien. Salut à toi, punk iranien. Salut à toi, rebelle afghan. Salut à toi, le dissident. Salut à toi, le chilien. Salut à toi, le petit malien. Salut à toi, le mohican. Salut à toi, peuple gitan. Salut à toi, l'éthiopien. Salut à toi, le tchadien. Salut à vous, les partisans. Salut à toi, Choli allemande. Salut à toi, le vietnamien. Salut à toi, le cambodgien. Salut à toi, le japonais. Salut à toi, le thaïlandais. Salut à toi, le laotien. Salut à toi, le coréen. Salut à toi, le polonais. Salut à toi, l'irlandais. Salut à toi, l'européen. Salut à toi, le mongolien. Salut à toi, le hollandais. Salut à toi, le portugais. Salut à toi, le mexicain. Salut à toi, le marocain. Salut à toi, le libanais. Salut à toi, le pakistanais. Salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la haute volta, salut à toi le nigéria, salut à toi le gaboni, salut à toi le vieux ch'timi, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats. Tu es très rivé sur le côté asiatique, le côté mystique asiatique. Pas que mystique. Bon, au départ, quand j'étais adolescent, j'ai lu le Tao Te Ching, Confucius, le vrai classique du vide parfait, tout ça. Des bouquins de Baba Cool qui traînaient dans les paniers d'osier des copines de ma mère. Alors ça, c'était bien, tu vois, ça donnait une certaine vision des choses qui peut-être vient dans les chansons et c'est peut-être pour ça que ça leur plaît aussi, tu vois. Il y a une raison. Mais c'est pas que ça, c'est aussi très pop et très consumériste parfois d'aller acheter un petit chapeau à Tokyo, un petit truc. Un petit bœil aussi. Un petit bœil. Un petit bœil. Et chez nous, on dit gosser en bois. Comment on dit? Gosser. Quand on gosse du bois, on le modèle, on le polie. Alors c'est gosser. C'est un terme québécois. Ouais, j'ai 10 questions. Les 10 questions que je t'ai posées, on va voir vers où on risque d'aller. Ça fera pas mal. Si tu étais un liquide. Un liquide? Alors le Chunmi Moon Palace. C'est un thé vert chinois que j'ai bu avant de venir. Okay. Je trouve... Où ça, chez toi ou... Oui, chez moi. Et c'est de la région du Zhejiang, où je n'ai jamais mis les pieds. J'adore tous ces paysages d'où il vient, les rizières en terrasse, le vert intense, Et puis, les gens qui le font. Alors, voilà. Tu es un amateur de thé Ouais, de thé en plus. Pas trop les thés parfumés, tu sais, un peu avec café des... Oui, voilà, et puis pas les choses avec de la papaye et 20 000 trucs, enfin... mais des, parce qu'un bon thé à l'état naturel, ça suffit à soi-même. Bien sûr, absolument, Pierre. Quand tu penses qu'à la réponse à cette question, j'ai répondu la badoine. C'est beaucoup moins poétique, c'est sûr. Ça fait dit. Non, mais c'est très personnel. Si tu étais une ville. Une ville c'est différent. C'est pas une référence aux Rolling Stones, mais j'ai de la sympathie pour des villes assez nombreuses. J'ai Kyoto et New York, et Kyoto et New York en premier, puis Tokyo aussi. Alors, à Kyoto, Nicolas Bouvier a dit « Tu lances une pierre, tu blesses un professeur ». C'est une ville pleine de temples, d'universitaires, amples marines comme ça, un petit peu timide. Mais... Alors tu aimes aussi le côté sage des individus, le côté sobre et arrêté et méditatif. Oui, c'est tout un ensemble, il faut prendre le package. Et y a aussi malheureusement. Non, oui. Mais il y a aussi des choses que j'aime pas au Japon, comme dans tous les pays. Mais voilà, il faut prendre le package. Et toi, tu es pas nain pour ce genre de... Ben, disons... Tu te sens à l'aise. Oui, oui. Mmh. Okay. Si tu étais une langue... Une langue? Oui. C'est-à-dire que si ma personnalité ressemblait à une langue... Ce serait, si tu alors, toi, tu étais une langue. Ce serait peut-être une langue tonale, c'est-à-dire une langue que je ne parle pas. Je ne parle pas de chinois ou de vietnamien ou tout ça. Je trouve ça très très difficile. Mais peut-être que je serais une langue tonale, tu sais, où les choses dépendent beaucoup de l'intonation. Ok. Alors il n'y a pas de langue en particulier, mais. Chinois ou vietnamien. Ok. Disons chinois. Si tu étais une époque. Une époque ? Demain. Ah, quand même, hein? Ça, je veux dire, j'y avais pas pensé. Non, non, mais. Moi, j'ai dit les années 80, toi, comme je suis débile. Hey, c'est qui est perso ici? C'est toi qui dois dire ton nom. Si tu étais un mot. Hein? Un mot. Un mot. Un mot pour ça. Un mot comme ça? Ok. Non, pour ça. Comme ça. Si tu étais. Hey, on va voir. Un aliment. Un animal? Non, un aliment. Un chose. Aliment? Oui. Ah, deuxième coup. Ça, quand même, c'est... J'ai plus de mal. Oui, aliment. Si j'étais un aliment... Avant, je disais aliment. D'accord. Aliment, c'est pas... Non, ça ne fonctionne pas non plus. La prochaine fois, je vais l'épeler. C'est plus facile. Tu dis une nourriture... Non, on ne peut pas dire une nourriture, c'est pas joli. Pourquoi pas? Nourriture, c'est beau. Je sais pas, aliment, je trouve ça plus agréable à l'oreille quand même. Ah, tu voulais que je trouve un synonyme? Non, je voulais rien. Bon, je suggérais. Ah, mais tu as raison, complètement raison. Alors, un aliment, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu penses? Au niveau des aliments? Ouais. Non, qu'est-ce que ça vient de toi. Au niveau des aliments, moi. Toi, tu m'as dit si j'étais un aliment. Non, c'est un fruit. Un fruit. Et toi? Alors, j'essaye de réfléchir. Hein. Qu'est-ce que je serais? Ah non, moi je te dis, j'adorais le fromage. Ah oui, le fromage, oui, c'est vrai. Oui, et puis ton histoire d'aller manger. Le fromage en Asie. Oui, en Asie, oui, ça fonctionnait pas très bien. Mmh. Puis bon, tout est fait, oui. Mmh. Alors, j'essaie de définir. Je pense que je serais un quelque chose qui n'est pas fabriqué par la main de l'homme, en tout cas. Et comme, par exemple, une herbe aromatique, une graine, tu vois, ou quelque chose. Par exemple, la cardamome, un épice comme la cardamome. Ok, oui. Voilà, on va dire ça. Ok, on va dire ça. Et on apprête ça avec quoi? La cardamome? Oui. Ça, tu peux le mettre par exemple dans les restaurants indiens, ils en mettent des graines dans le thé. Est-ce que c'est fort, épicé ou... Non, c'est pas fort au sens du chili, tu vois, ou c'est pas hot, quoi. C'est pas le truc qui t'arrache le palais. Non, c'est une épice indienne assez douce, assez savoureuse, qui a des vertus carminatives et qui permet. Carminatives de... Oui, c'est-à-dire qui favorise tout le système digestif. Voilà. C'est bien au niveau émotionnel de pouvoir digérer les choses. C'est vrai. Mais, oui, les mots également. Tout ce qui est intellectuel, c'est bien de bien digérer ça. Si tu étais une saison. Je suis un enfant d'hiver. Presque d'hiver, quoi. 14 décembre. Je ne sais pas. Une boule de neige, non, c'est pas un aliment. Non, pas une boule de neige. Non, mais je... C'est très important les saisons en astrologie. Et, non, mais toi, non, mais c'est vrai que t'es moi, j'ai, plus d'automne-hiver. Ça, okay. C'est sûr. Et l'aliment pas l'aliment, mais la saison. La saison, ouais, c'est pas facile. Moi, je viens d'un moment qui est des signes mutables, c'est la fin des saisons. Donc, c'est le moment où ça va basculer. Le 14 décembre? Oui, ça va basculer vers l'hiver. Oui, c'est le 21 décembre. Oui. Et donc, ces moments-là, ça donne des gens qui peuvent anticiper, devancer des changements. Enfin, on le sens de l'impermanence des choses. C'est vrai, non? Je ne dis rien. Tu ne dis rien? Parce que toi, tu es hyper fixe. Oui, c'est ça. Hyper fixe, le nouvel album de musique. Hyper fixe, ah oui, ce serait bon. Hyper fixe sur Skyrock. Hyper fixe sur Skyrock. Bon, voilà, donc on va dire... Moi, en tout cas, on a un point commun. Il est du 14, je suis du 14 aussi. Il n'est pas le même mois. Ah, c'est bien. Ouais, c'est une espèce de confrérie comme ça. Alors, la saison? Comme dirait la saison à mille temps, je sais pas. Ouais. Alors j'ai du mal à en choisir une. On va dire l'automne. Okay. Parce que techniquement parlant, je suis de l'automne. Et c'est la saison des érables. Chez nous, c'est merveilleux. Ouais, oui, mais au Japon aussi, tu sais, ils ont des montagnes entières qui tournent. Oui, mais Québec, c'est encore mieux. Au vermillon, oui, forcément. Oui, c'est forcément mieux. Allez, d'accord. La sur des érables. Voilà. Le sirop d'érable. Oui, j'en pense un d'ailleurs. Du Québec? Je crois, oui. Okay. Je suis pas sûr, je ne vais pas dire de bêtises, mais genre sur des pancakes. Sur... Okay. si tu étais un membre corporel? Oh là là, si j'étais un membre corporel? Ouais, c'est soit l'œil, soit l'oreille. Difficile de choisir entre les deux. On va dire l'oreille. Parce que c'est le premier. La publicité de Radio-Canada à la radio, là, la radio d'État au Québec, c'est « Regarde pour voir ». Voilà. C'est bon? Oui, oui. Si tu étais... Non, c'est comme ça. Ça m'est apparu. Si tu étais un moment de la journée. J'étais un moment de la journée. C'est là le flottement merveilleux entre l'éveil et le rêve au moment de s'endormir. C'est-à-dire ça, ce n'est pas une heure fixe, évidemment, non. Mais c'est un moment qui revient tous les jours. Et où il y a, on a accès à des galaxies entières de mélodies, de couleurs, qui est une qui bypass les contrôles de l'ego. Et si tu étais un autre individu? J'étais un autre individu, vivant, décédé. Un autre individu, ou peut-être qui n'existe pas. Okay. Une frite. Toi, mon tout, mon roi, toi, mon toi, toi, mon tout, mon roi, prends un petit poisson, glisse.

Le château de Salle, chaque fois l'amour change de lumière. Mille façons de mêler nos frontières. Dans ce grand lit là, tout est important. Dans ce grand lit blanc, rien n'est impensable. Quand je te caresse, c'est avec du temps, frisson délectable. C'est avec du temps. Il y a absolument rien compris. Oui, non, dit... J'ai dit un autre individu. Oh, c'est compliqué. Monsieur Patate Frite. Pour une heure, pour longtemps, pour... Comme tu veux. Ce serait très intéressant d'être pour une heure dans la peau de différentes personnes. Ok, lesquelles? Ouais. J'ai le choix. Bah, okay. Je voudrais bien être comme ça, là, maintenant. Passer comme on prendrait un billet d'avion pour aller dans un pays. Moi je peux passer une heure par exemple sur scène dans la peau de Tori Amos pour comprendre l'énergie du jeu de piano. Je voyage dans le temps, je vais une heure dans la vie de Jean Cocteau et je me retrouve peut-être en train de m'engueuler avec André Breton. Je passe une heure dans la peau de quelqu'un que j'aime pour voir comment c'est de son côté. Je passe une heure dans si la peau... L'amour est équivalent, si l'amour est aussi fort. Ce n'est jamais équivalent pour voir les autres nuances. Ok. Voilà. À choisir, est-ce que tu prends le même chemin? Non. Tu procéderais comment? Je ne peux pas savoir exactement ce que je ferai avec des si. Mais par contre, si je peux rembobiner et effacer certaines choses et refaire, ah oui, bien sûr. Pourquoi? C'est au niveau professionnel ou au niveau sentimental? Oh, c'est tout mélangé à tous les niveaux. À tous les niveaux. J'étais vraiment très encombré. Et on passe sa vie à se désencombrer de toute façon, je crois, mais ça, tu vas pas me dire le contraire. Avec le travail en ce moment que tu fais pour des gens, tu vois, en tant que coach, on passe sa vie à se désencombrer. J'étais très encombré de plein de choses qui n'avaient de ce qui était des héritages familiaux, et puis des choses à moi aussi, hein, faut pas toujours projeter à l'extérieur. Et je qui étaient solubles dans la création. Et si je m'étais rendu compte plus tôt à quel point, je pense que j'aurais travaillé plus tôt sur ma création. Alors, est-ce que tu crois que dans les prochaines années, tu vas bifurquer autrement pour te concentrer davantage sur ce que tu aimes, sur ce que tu veux développer? C'est ce que je fais depuis 7-8 ans maintenant, ouais. Et de plus en plus, hein, ça c'est... Est-ce que tu vis de ta création ou de la création en général? Je vis de la création en général, en incluant dedans celle des autres. C'est-à-dire que je suis de toute façon dans la musique et quand ce n'est pas la mienne, c'est celle d'Elsa, c'est celle d'Erika, c'est celle d'autres gens. Et c'est en tout cas 100% de mon temps. C'est un privilège de vivre de sa création parce qu'aujourd'hui, c'est pas si facile. Non, mais je te dis de celle des autres aussi. Oui, c'est-à-dire de la création, que c'est voilà, de la création en général. C'est... Et en fait, quand j'y réfléchis, je me dis, bah, maintenant je suis tellement formaté comme ça que j'aurais du mal à faire autre chose. Oui, c'est assez luxueux, mais c'est aussi une grande discipline parce qu'on est chez soi. On pourrait ne rien faire, on pourrait ne pas être à l'écoute. qu'on pourrait parfois être paresseux et se... Oui, mais comment payer son logement aussi? C'est bien beau être amorphe, et il faut quand même, malheureusement, placer de l'oseille dans le compte de banque, sinon... Oui, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé. OK. Et tu travailles encore beaucoup? Je travaille avec peut-être moins d'intensité pour des choses alimentaires aujourd'hui, parce que je l'ai fait entre 20 et 30 ans, et que j'ai fait ce que j'avais à faire à ce moment-là pour me mettre dans une situation, disons, de... non pas de confort, parce que ce serait un bien grand mot, mais du minimum de sécurité. Mais aujourd'hui, en 2013, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu veux pas, donc c'est beaucoup. Ce que je veux et ce que je veux pas. Oui, ben oui, tu sais très bien dans quelle direction tu vas. Un océan de choses des deux côtés. Oui, oui, mais en te frappant à des murs, tu veux plus revivre ça, tu veux plus repasser par là, donc tu sais ce que tu veux pas. Tu sais davantage ce que tu veux. Mais j'espère encore... ce qui est certain, c'est que à chaque fois que j'ai été... que j'ai fait des erreurs ou que j'ai été rejeté dans ma vie, ça m'a emmené beaucoup plus loin et à des endroits beaucoup plus intéressants que ce que j'avais voulu là, au départ. Donc il faut dépasser sa propre volonté. Là, si j'avais eu la vie que je voulais quand j'avais 19 ans par exemple, eh ben, je pense que c'était beaucoup plus ennuyeux que ce que j'ai vécu finalement. Donc plus ma volonté se suit les courants. Ça, c'est typique de Mars en poisson. Elle le sait, je suis Mars en poisson. Donc, mais je pense à ça. C'est-à-dire que la question de la volonté, c'est toujours Mars dans un thème. Et alors, pour quelqu'un qui essaye de créer des petites choses, de faire des dessins au fond du jardin, ben, c'est très important de suivre son Mars quand même, qui est le désir premier. Donc, ce que je veux pas, la frontière est parfois floue, quoi. Ce que je ne veux pas, c'est une certaine manière de faire les choses. C'est pas telle ou telle chose, c'est une manière fausse de les faire. Un succès peut être complètement faux. Ah oui. Au niveau émotionnel, au niveau intérieur. Tu vois, ça peut rendre les gens terriblement malheureux, en fait. Et puis, c'est parce que ça peut être quelque chose en quoi on s'est laissé embarquer, par facilité, et puis ça peut te détruire. Et puis au contraire, un apparent échec vu de l'extérieur peut être quelque chose qui te construit et qui te rend une meilleure personne. Ouais. L'expérience nous fait changer, les échecs aussi nous modifient, nous amènent ailleurs. Bah, c'est toujours une vision très relative, quoi, tu vois, c'est ça. Ouais. On connaît tous des gens des histoires de gens qui apparemment avaient du succès, avaient vu de l'extérieur tout pour être heureux, et puis qui se sont suicidés, enfin qui ont eu des ouais. vies désastreuses, ouais. Et manifestement pas épanouis. Et au contraire, des gens qui suivent... En même temps, c'est des gens qui vivent dans l'urgence, donc ils ne pouvaient pas vivre autrement. Peut-être. Ouais. Enfin, je peut-être. Il y a des gens, toi t'es plus zen, t'es plus... vaporeux, donc c'est pour ça que... Non, mais c'est pas dit d'une mauvaise façon. Non, je comprends. T'es beaucoup plus... C'est sûr qu'on se ressemble pas. Non, effectivement, c'est le yin et le yang. Non, mais Marie-Claire a Mars en taureau, alors évidemment. Mais moi, on a besoin de cette énergie-là aussi quand on est comme moi. C'est-à-dire que quelqu'un qui va inscrire dans la matière et qui va dire « moi, je veux ça », etc., qui va être plus carré sur les choses. L'expression de ma volonté est peut-être plus délayée comme ça, ou plus par la force des rêves. Voilà. Souvent dans le groupe, c'est elle qui décide. Non, regarde, on fait ça comme ça, sinon on pourra jamais aboutir, comme on dit. Moi, j'ai jamais fait de groupe, j'ai toujours été. Non, mais toi, tu dis des fois que tu supervises. Ah oui, non, mais moi, alors, tu vois le genre à dire, ben là, arrêtez. Mais dans, leader de naissance. Dans un groupe, il faut un leader. Dans tout groupe de musique, il faut un leader. Je ne crois pas à la démocratie totale dans un groupe. Parce que ça aboutit au compromis, au consensus mou. Je pense qu'il faut un leader et des gens qui disent « D'accord, cette personne a une vision, on va la suivre et on va voir. Peut-être on peut ajouter quelque chose, mais on suit cette personne. » Ça marche. Oui. Et ça peut, pas forcément pour toujours, mais ça peut marcher un moment, c'est ça qui compte. As-tu déjà passé au Québec? As-tu déjà visité la ville de Québec? Alors, moi, pas Québec la ville. J'ai été à Montréal une fois il y a longtemps. Deux fois. Pour faire de la musique ou pour rencontrer des gens? Non, pas du tout. J'avais travaillé pour une petite maison d'édition en France et j'avais été... Ouais, elle a disparu depuis. Ça s'appelait Carrière n'a d'importance. Carrière n'a Carmel, oui. Ça, c'est c'est vrai? Oui, ça s'appelait comme ça. Et j'avais... Ils avaient... Moi, c'est pas vraiment un nom qui... Non. Qui va durer longtemps. Non, non, c'était pas fait pour. OK, c'était et éphémère. Voilà. Une édition. C'était des petits bouquins sur les séries cultes, les séries télé, tout ça. Et il m'avait envoyé, parce qu'il avait très très peur de l'avion, il devait faire partie d'une délégation d'éditeurs pour aller à Montréal, au Salon du Livre. Oui, bah oui. Et à il était terrorisé par l'avion, il ne pouvait pas y aller. Oh là là, à c'était l'automne, en, hein? en 1872. Oui, oui, oui, mais à quel j'avais quel une très jolie redingote. Oh oui, ben oui. J'étais oui, venu en calèche, l'Atlantique était entièrement gelé, nous avions traversé l'Atlantique en calèche. On a pris des photos et on les a placées. Oui, oui, je me souviens de ça. Oui, oui, oui, le premier ministre en a parlé également, voilà. D'un être bizarre venu d'ailleurs. C'est ça. J'étais reparti en zeppelin, par contre. Ah, ah oui, mais c'est mieux, hein, quand même, il faut finir avec la totale. Mon ami Jules Verne m'avait fourni. Oh ben oui, alors, hey, mais merci de ta présence. Bon, merci de nous avoir amené ce spectre. Mais c'est un beau cadeau. Puis vous vous complémentez. Hein? Vous êtes une fusion. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes le yin et le yang. Absolument. Et je suis sûr qu'il va arriver quelque chose d'assez extraordinaire avec vous, à vous deux. Non, mais on a déjà fait des choses. Oui, oui, oui, oui, mais c'est surtout à venir. Là. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais le reste, peut-être, le meilleur est à venir, on ne sait pas. Trois points de suspension. Ah oui, oui, oui, mais moi, j'ai souvent dit, quand est-ce que tu viens faire un album, tout ça, voilà. Mais moi, je ne suis pas guitariste, mais vous y aimez les guitaristes. Ah oh, oui, oui, oui, oui, je connais l'histoire, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais éventuellement, il va se mettre à la guitare. Voilà, pour te faire plaisir. À moins que ce soit moi qui ai réconcilié avec oui, les claviers. Ou peut-être se déprogrammer à la guitare. Ce qui semble être le cas actuellement, parce que j'en ai un petit peu marre des guitares. Christophe joue du piano, donc ça peut être peut-être une ligne. Ben, merci de votre présence. Hein. Ouais, ben, avec grand plaisir. Puis, comme on dit chez nous, à la revoyure, mes amis. À quoi? À la revoyure. À la revoyure. C'est beau, à la revoyure. Ouais, on l'utilise plus maintenant. Ça ouvre. C'est l'ancien français. Oui, oh, oui, mais ça, c'est moins francophone. Oui, ciao. Ouais. À la prochaine. pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Pour quoi faire entre quatre murs en fin de semaine. On va prendre l'avance un peu. Ben faire tout ce que... Écoutez, on a quand même eu du beau temps ces derniers jours, donc on en a profité pour faire tout ce qui était à l'extérieur. Je suggère, c'est assez simple hein, de faire tout ce qui va à l'intérieur. Alors pourquoi pas? Et surtout ce soir, de faire une petite exception. J'ai jamais fait ça. Et on va dédier ce bulletin à Stéphane, notre réalisateur. Demain tout dit splash d'un, tu marches d'un, tu dans les rues, dans les vergers de la démence, tu cherches encore, tu planes en or, tu gardes d'or, tu pars, tu dis parais d'âme, tu parais fort, tu dans le vin, chamblant sa mère, et dans lait tu manges, tu t'en sens, tu mords, mon ami, tu ris, tu cries, tu pleures, tu chantes, tu bandes, tu penses, tu danses, tu pannes, t'en balances, tu pries de même, c'est dans la minace, c'est dans la mélasse, c'est dans sans l'excès, dans toute ta claque, c'est mon pourroir, c'est tabarnak, je prends la manne de fond mes mères. Le mineur, c'est leur patente, un pire à danser. Mais quand tu crées, tu m'enchaules les craques, ce monde est vert. Hein? Le médecin saigne-tu de sa face, tu me tends la blasse, tu me tends la blasse. Tant qu'encre l'homme image, on est la planète encore d'âge. Tu casses ta tasse, tu t'estagnes, t'es là, t'es large, tu flammes sans ta balle, sans tel miel. Oui, mais les rues sont belles, ciment qui tremble sous le sommeil s'éteint. La fenêtre est ouverte au ciel, c'est un matin, c'est un soleil. Les nefs au clair, black la tente, le café chaud qu'on le sent dimanche éteint. Tu vas bien, mon ange, ton vol est d'or, faut que ça dérange. De la pléiade dans la misère, c'est une façon de voir, c'est pas une prière. C'est sans le temps qu'on file sans vent. Tu plies, tu rames, tu planes, tu chantes, t'es un marin. Avec le banco, 11, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 30, 38, 41, 43, 44, 55, 58, 63, 65, 67, 68, 70. Alors voilà, Sophie. Bonnes vacances, mon cher Stéphane. Et nous, on se retrouve demain sous le parapluie. Eh oui. Peut-être vous avez déjà vu ça, une tempête de sable. Non, pas non, vraiment. Regardez bien les images, c'est oui. Spectaculaire. Ça nous vient de l'Arizona. C'est une tempête de sable qui a frappé la région de Phoenix. Vous voyez, c'est un véritable mur. Ça a causé bien des maux de yeux aux automobilistes. Ça s'est passé sur la ville de Maricopa en pleine... Mes chers amis, Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.